France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, massacre au conseil municipal de Nanterre. Le 27 mars 2002, à 1h15 du matin, après 6 heures de débat et alors que le conseil municipal se termine, un homme armé se lève dans le public et tire. En l'espace de 55 secondes, il tue 8 élus et blesse 19 personnes. Son nom, Richard Durne, 33 ans, éternel paumé aux antécédents psychiatriques sévères. Un massacre sans aucune revendication politique. Dans l'enceinte même d'une institution démocratique, c'est déjà un choc. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Pendant son audition au 36 Quai des Orfèvres, l'assassin le plus surveillé de France défenestre, deux jours seulement après son arrestation. Comment expliquer un tel fiasco ? En pleine campagne présidentielle, à l'aube du premier tour où le Premier ministre Lionel Jospin à gauche et le président de la République Jacques Chirac à droite sont censés être les favoris, la récupération politique fait rage. Les thèmes de l'insécurité et de l'accès aux armes inondent des débats. Notre invité aujourd'hui, Jean-Pierre Campos. Il était conseiller municipal de Nanterre à l'époque des faits, dont il est un témoin de première main, puisqu'il siégeait au conseil quand le drame a éclaté. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Constance Villanova, coordination Franck Cognard, chargée de programme Rebecca Donnante, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. La stupeur et les larmes à Nanterre après le carnage de la nuit dernière au conseil municipal. Un homme armé, familier des lieux, a froidement, méthodiquement abattu 8 personnes et blessé une vingtaine d'autres avant d'être maîtrisé. Les policiers évoquent un acte de démence suicidaire, mais c'est déjà la controverse. L'homme a 33 ans, il est au chômage, sous antidépresseurs, et malgré des antécédents psychiatriques, il a obtenu le droit de détenir une arme. Mardi 26 mars 2002, 19h. Planté sur une dalle, encadré par les immeubles, l'hôtel de ville de Nanterre a des airs de soucoupe volante. Le bâtiment semble flotter et cristallise les folies architecturales et soviétisantes des années 70. Une soixantaine de personnes, adjoints au maire, conseillers, cadres municipaux ou citoyens curieux, s'y engouffrent au compte-gouttes. Les élus de cette ville des Hauts-de-Seine, sous bannière communiste depuis 1935, n'entrent pas à reculons, mais presque. Il faut dire que l'ordre du jour du conseil qui va s'ouvrir n'a rien d'alléchant. Le vote du budget, les écoles, les gymnases, les vacances des jeunes, la sécurité, bref, la routine. À l'intérieur du bâtiment, aux allures de bunker, la salle du conseil municipal fleure bon, elle aussi, les années 70. Poussiéreuse, moquette orange et marron, jusqu'au papier peint qui rappelle un peu l'angoissante intérieur de l'hôtel Overlook du film Shining de Stanley Kubrick. À 19h30, chacun rejoint sa place. La maire communiste, Jacqueline Fraisse, et ses adjoints trônent sur une estrade face au public. À sa gauche, Michel Laubier, le premier adjoint communiste. À sa droite, Marie-Laure Meyer, deuxième adjointe, aux côtés de Laurent Elgozy. Les conseillers municipaux, eux, sont alignés sur deux rangées en arc de cercle. Et derrière eux, les directeurs généraux et le personnel technique. Le public, lui, s'installe sur des fauteuils dans les gradins, en surplomb. Une porte vitrée permet des allées-venues des habitants de Nanterre qui peuvent ainsi assister aux échanges mais qui ne peuvent pas intervenir. Ce soir-là, 4 élus sont absents. Au total, une soixantaine de personnes assistent à la séance. Le conseil débute en retard, question d'habitude. Très vite, les débats s'avèrent houleux entre la droite et la gauche, question d'habitude. Mais le climat politique est particulier en ce 26 mars 2002, car nous sommes à 3 semaines seulement du premier tour de la présidentielle. Nous sommes donc en pleine campagne. Dans le brouhaha des échanges, des élus en profitent pour répondre à leurs courriers, remplir leur agenda, grignoter des bretzels. Certains prennent la parole et s'écoutent parler dans des discours parfois interminables. La séance s'étire, image d'épinal de la démocratie locale, tout y est. Nouveauté tout de même, le vote se fait par boîtier électronique depuis sa place. Nous sommes en 2002, bienvenue dans le 21e siècle. Le Le temps passe, le public devient de plus en plus clairsemé, les spectateurs quittent au fur et à mesure la salle orange et marron discrètement, mais un homme reste, un habitué, Richard Durne. Marie-Laure Meyer, adjointe au maire, présente ce soir-là, repère cet homme. Dans son livre « Qui veut-tu la démocratie ?», elle raconte. En face de moi, un habitué, Richard Durne. Il sort plusieurs fois bavarder avec des élus verts sur le parvis. Il est comme toujours vêtu d'un pull noir et d'une parka informe. C'est un drôle de garçon, mal dans sa peau, désireux de s'impliquer mais ayant du mal à communiquer, à faire partager ses expériences et ses idées. Il y a 2 ans, avant qu'il ne soutienne une autre liste aux élections municipales, il assistait aux réunions de la section nantérienne du Parti Socialiste. Comme je le fais avec tous les chômeurs qui le souhaitent, nous avions discuté de ses problèmes d'emploi, des postes disponibles dans l'humanitaire, je lui avais conseillé de faire une formation. Il n'est jamais revenu. Et les rares fois où je l'ai croisé dans les rues de Nanterre, il n'a pas répondu à mon salut. Sauf pour traiter les socialistes de traîtres. Après 6 heures de débat, le conseil municipal touche à sa fin. Il ne reste plus qu'une personne dans le public, il est près d'1 heure du matin. La fatigue se fait sentir. Et puis on évoque, et enfin, le dernier dossier à l'ordre du jour. Alors, comme des élèves impatients avant que la cloche ne sonne, des élus commencent déjà à regrouper leurs affaires, à ranger stylos et cahiers. On s'impatiente et on pense au repas froid qui va être servi au self. À 1h10 du matin, Jacqueline Fraisse, la maire, déclare la levée du conseil. Mais une voix s'élève dans les gradins du public. Une voix chevrotante qui dit « Non, ce n'est pas terminé ». C'est la voix d'un certain Richard Durne qui se lève et ouvre le feu vers les élus et conseillers municipaux. Personne ne réalise. Certains pensent à l'explosion d'un néon, mais une première balle effleure la joue de Michel Laubier, premier adjoint au maire, qui ne sent pas immédiatement la douleur. Mais c'est là que Jacqueline Fraisse réalise, elle, sidérée, et lui lance « Mais Michel, tu saignes ?» Avant d'hurler à la 50aine de personnes présentes « Protégez-vous !» Prise au piège, certaines se cachent sous les bureaux. Et le massacre commence. Avec un sang-froid glaçant, déterminé, le regard droit, Richard Durne, armé de 2 Glock 17 et 19 de calibre 9 mm et d'un Smith & Wesson, vise avec précision. Les balles transpercent le bois des pupitres qui servent de planque. Les corps tombent. Des élus tentent de se protéger, tant bien que mal, en se déplaçant à 4 pattes. L'odeur du sang envahit la pièce. Pris au piège, des élus tentent de calmer l'assassin. Derrière les hurlements, on entend un « Richard, arrête tes conneries ». En vain, Durne est déterminé. François Château, cadre municipal, présent ce soir-là, raconte l'horreur au micro de France Inter quelques heures après la tuerie. L'individu a sorti son arme et a commencé, comme je disais, de manière méthodique, à tirer sur les élus qui étaient les plus proches de lui. Et puis ensuite, il a avancé. Je pense qu'il a tiré 30 à 40 coups de feu. Il paraissait relativement calme et bon, il tirait de manière très posée, je dirais. Hein. C'est l'impression que ça donnait. Le temps de tirer 40 coups de feu de manière régulière, toutes les 2 secondes. Quoi. 2 minutes, 3 minutes. Non, pas 2 ou 3 minutes. La tuerie dure 55 secondes, moins 1 minute. Mais c'est une éternité, évidemment. Et Durne est une machine à tuer. Un élu essaye de stopper le massacre en se jetant sur lui. Il tente de le maîtriser au sol. Il est touché au ventre, grièvement blessé au point qu'il ne peut pas crier. Sitôt que les armes de Durne se vident, il en saisit une autre, en enjambant les blessés ou les corps. 2 élus parviennent tout de même à le maîtriser. Durne réussit à tirer une dernière fois en le blessant en bras l'adjointe Marie-Laure Meyer. Puis ils sont plusieurs à parvenir à l'attacher avec des câbles, des micros. « Tuez-moi !» crie alors l'assassin une fois maîtrisé. Un élu rescapé en profite pour courir vers le commissariat à 500 mètres de l'hôtel de ville. Samuel Rijik, élu de Nanterre, raconte le courage de ceux qui ont essayé et réussi à maîtriser le tueur. Il a été maîtrisé apparemment par un de nos élus, donc un élu communiste qui aurait lancé une chaise et ensuite il l'a maîtrisé au sol. Et quelqu'un lui a demandé de ne pas l'étrangler et donc il a, comme on dit, desserré un peu sa garde et il a pu libérer apparemment un de ses bras et il lui a mis 2 ou 3 balles dans le corps. Et après, 3-4 autres élus sont arrivés pour le neutraliser. Eux également ont été blessés sauf un. Donc il a été maîtrisé par la suite, oui, par les conseillers municipaux. Bilan de ces 55 secondes, 8 morts, 19 blessés, 22 rescapés. Une épouvante. Une fois la police arrivée, la maire de Nanterre, Jacqueline Fraisse, dirige les opérations à bord de la scène de crime. Elle rassure les rescapés, prend dans ses bras des élus recouverts d'un sang qui n'est pas forcément le leur. Elle fait ouvrir la salle des mariages pour qu'ils puissent se reposer sur des bancs molletonnés. Une cellule de crise est mise en place avec plusieurs psychiatres qui prennent à part chacun des témoins. Maintenant, il faut prévenir les familles. Les sonneries de téléphone ne s'arrêtent pas. Certains proches arrivent sur les lieux essoufflés, sous le choc. On ne sait pas encore qui a survécu, qui est mort. Selon les blessures, les soignants arrivés sur place trient les rescapés. Une équipe de réanimation vient de s'installer. C'est le chaos. À 2h30, Frédéric Pechenard, qui vient d'être nommé à la tête de la brigade criminelle, entre dans la salle du conseil municipal. La crime embarque Richard Durne, placé immédiatement en garde à vue. Les journalistes, eux, commencent à s'agglutiner sur le parvis de l'hôtel de ville. Caméra à l'épaule, France 3 parvient à traduire l'ampleur du désastre. La mairie de Nanterre, transformée en hôpital de campagne. Des brancards alignés là, ici, là. Précautionneusement, les pompiers emmènent 19 blessés. Certains sont entre la vie et la mort. À côté, dans la salle du conseil, 8 personnes viennent de perdre la vie. Il est 1h15 du matin la nuit dernière, le maire de Nanterre vient de lever la séance du conseil municipal. Soudain, un homme se lève des gradins du public, Richard Durne, c'est son nom, sort 2 armes automatiques et tire sur les élus. Ça s'est passé tellement vite, au début, la plupart des élus, des adjoints qui sont morts en fait, hein, c'est parce que tout le monde a cru que c'était des pétards, c'était une plaisanterie, et donc ils sont restés assis à leur place face à cette personne. Et ceux qui ont été le plus touchés, donc c'est les adjoints qui étaient face à lui. Et moi, quand j'ai entendu le premier coup de feu, je suis partie sous la chaise. Et après, j'ai regardé, j'ai vu ce type et je me disais, c'est pas possible, on le voyait tout le temps, c'était quelqu'un d'habituel, comment il a pu faire ça? À 4h du matin, le Premier ministre et candidat à la présidentielle, Lionel Jospin, arrive sur les lieux avec le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant. Le président de la République, Jacques Chirac, débarque lui à 7h, aux côtés de Nicolas Sarkozy, député des Hauts-de-Seine, d'André Santini, vice-président du Conseil général du département, et de Charles Pasqua, président. Et au passage, l'événement dramatique se transforme en accroc à la cohabitation. Le préfet des Hauts-de-Seine, Jean-Marc Rebière, n'ayant pas pris soin en effet de prévenir immédiatement l'Élysée, préférant contacter le chef du gouvernement. Mais l'heure est au recueillement, et non au bisbille entre les deux candidats désignés comme favoris par les sondages. Au micro de France Inter, Lionel Jospin et Jacques Chirac réagissent. C'est apparemment un cas de démence furieuse d'un homme qui a tiré alors que personne ne pouvait s'y attendre. Et c'est donc une effroyable tragédie qui touche un conseil municipal en action, la démocratie, mais évidemment dans un acte et en même temps un acte total d'aberration. La pensée va aux victimes et à leur famille. Pendant un drame qui est tout à fait inimaginable et les mots manquent pour le qualifier, mais le cœur, lui, parle avec indignation. Je voudrais, une fois encore, dire combien ces actes ne peuvent pas être qualifiés de façon humaine et que tout doit être fait, bien sûr, pour les réprimer et pour les empêcher. Dans ma cornue, j'y ai versé 6 gouttes de ciguë. Un peu d'espoir, ça a des pesseurs. Et j'ai touillé. Du fond de ma boutique, monte un cantique. Un hymne à l'amour, orifère, ébullition, réaction. Faites monter l'arsenic, faites monter le mercure, faites monter murs. Et les pépites, jetez-les aux ordures. Dans ma cornue, j'y ai versé une pincée d'orgueil mal placée, un peu de gâchis en souvenir de ton corps. Dans ma cornue, j'y ai coulé une poignée de rage. Dans ma cornue, j'y suis tombé. Quelle autre solution que de se dissoudre? Faites monter l'arsenic, faites monter le mercure, faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. Et les pépites, jetez-les aux ordures. Dans les faubourgs, je décante. Le soir, à la lune montante, au matin, je reprends connaissance. Ébullition, réaction. Faites monter l'adrénaline, faites monter l'arsenic, faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. Et les pépites, jetez-les aux ordures. Faites monter. Faites monter. Faites monter l'adrénaline. Faites monter l'arsenic. Faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. Faites monter. Faites monter. Aujourd'hui, massacre à la mairie de Nanterre, mars 2002. France Inter, affaires sensibles. Le 27 mars, quelques heures après la tuerie, la première audition de Richard Durne se déroule dans le bureau 414, au quatrième étage du 36 quai des Orfèvres. La crime n'a pas choisi ce bureau dans les combles par hasard. Le tueur de masse veut en finir, on le sait, il l'a crié distinctement pendant la tuerie, alors que des élus le maîtrisaient. Dans le bureau 414, pas de fenêtre, à part un petit vasistas, pas de danger que le prévenu mette fin à ses jours. Le capitaine et le brigadier qui interrogent Richard Durne ont du mal à le faire parler. Le Nanterrien de 33 ans raconte son projet pétri de folie. Il se donne des allures de militant, mais décrit l'œuvre d'un fou. Oui, il voulait commettre un massacre et se tuer dans la foulée. Dans le procès-verbal, on peut lire. Je n'avais pas d'ordre précis dans mon exécution. Je voulais tuer le plus de personnes possible, puis me tuer. La seule personne que j'ai visée intentionnellement était Madame Fraisse. Je l'ai visée pour sa qualité de mère, mais aussi parce que je la respectais pas. Pour moi, elle est l'incarnation d'une apparatchik inamovible, créant un système de clientélisme et représentant typique de la grande bourgeoisie rouge hypocrite et contrôlant énormément de choses, se faisant passer pour démocrate et soi-disant proche du peuple. Pour les autres élus, j'ai agi au hasard, sans regarder ni la personne ni l'étiquette. Vers 19h, l'officier tape la dernière phrase du procès-verbal de Richard Durne. « Je veux mourir car je suis une chose et un déchet. » Durne signe et part pour une nuit au dépôt en sous-sol. Il est 19h30. Le commissaire Pechnard l'accompagne et prévient les gardiens de l'instabilité du détenu, susceptible d'attenter à ses jours et qui nécessite une attention de tous les instants. Mais comment expliquer un tel acte, cette tuerie au conseil municipal? Les enquêteurs essaient d'abord de comprendre qui est Richard Dearn. Né en 1968, sa mère est slovène et il vit encore avec elle en 2002. Il n'a jamais connu son père. Il a grandi dans une petite maison en briques rouges à Nanterre, dans une impasse délabrée. Bon élève, il passe son bac et suit des études d'histoire. Assez solitaire, sa santé mentale se dégrade. En 95, pour éviter l'armée et le service militaire, il fait une première tentative de suicide qui lui fait passer 48 heures dans le coma. Il est réformé. Seul et à la recherche d'une cause, d'une lutte, il s'engage au PS, puis chez les Verts et à la Ligue des droits de l'homme. Il fait plusieurs grands voyages, dont deux en Israël, où il se prend d'admiration pour Baruch Goldstein, colon israélien ultra-orthodoxe, qui a tué 29 Palestiniens à Hébron, alors qu'il était en train de prier. Il pose devant sa tombe. Entre 1992 et 2001, il se rend à 7 reprises en Bosnie, au Monténégro, au Kosovo, en Albanie, pour des missions humanitaires. Alors que la guerre de Yougoslavie bat son plein, il revient des images de violence, de torture et de sang plein la tête. D'ailleurs, son mal-être perpétuel, sa folie meurtrière, il la sous-entend dans son journal intime. Je suis fatigué de voir mon corps et mon visage vieillir et de constater que le temps passe et que je n'ai rien. Je ne peux plus être au bas de l'échelle et voir tous les gens que j'ai côtoyés progresser dans la vie. Je me sens bloqué parce que j'ai pas de femme. Je veux pas crever sans avoir beaucoup baisé. Je veux pas crever sans avoir été amoureux et sans qu'une femme ait été amoureuse de moi, même si je suis faible, déglingué et immature et que j'ai déjà plus de 30 ans. Depuis des mois, les idées de carnage et de mort sont dans ma tête. Plusieurs tentatives de suicide, haine de lui-même, obsession pour la mort, Richard Dearn est suivi en psychiatrie et en psychothérapie. Pourtant, malgré sa fragilité mentale, il obtient une autorisation de détention d'armes en 1997 de la part de la préfecture des Hauts-de-Seine, permis valable 3 ans. Il s'inscrit et se rend fréquemment au centre de tir de la Grande Colombe. C'est pendant l'une de ses consultations psy, en 98, qu'il menace un médecin avec une arme qu'il avait cachée dans son sac. Le praticien prévient sa hiérarchie, qui alerte la DAS des Hauts-de-Seine, censée prévenir la police. Mais Richard Dearn parvient à convaincre tout ce beau monde, il échappe à l'hospitalisation. L'information détenue par la DAS, autrement dit, le comportement suspect de Dearn, ne remonte pas et ne remontera jamais jusqu'au procureur de Nanterre. En mars 2002, les enquêteurs découvrent une suite de dysfonctionnements. En 1999, soit 2 ans après avoir décroché son autorisation de détention d'armes, il ne renouvelle pas son permis et ne fait aucune démarche dans ce sens. En 2000, l'autorisation expire. Le 18 novembre 2001, pourtant, quelques mois avant le massacre, un texte rend obligatoire la remise de ses armes à la préfecture quand le permis de détention arrive à expiration. Mais là encore, Richard Dearn passe entre les mailles du filet. Il ne rend pas les armes, c'est le cas de le dire. Quant au président du stand de tir de la Garenne Colombe, il ne remarquera pas que le permis est périmé. Le 28 mars 2002, il n'est pas encore 10 heures et il fait chaud dans le bureau 414 sous les toits du 36 quai des Orfèvres. Richard Dearn est là, ses sourcils épais, son regard froid. On a retiré les lacets de ses chaussures, comme pour tous les prévenus, qui ne les utilisent pas pour tenter de se suicider, surtout pas Richard Dearn. Pour cette 3e audition, et pour qu'il soit à l'aise, plus apte à répondre, la crime ne l'a pas menotté. On n'est pas à Guantanamo ici, justifient certains. Le bureau 414, on l'a dit, ne dispose d'aucune issue à part un petit Velux en hauteur. Collaboratif, comme la veille, ce matin-là, Dearn répond aux questions. Oui, il avait bien 3 armes, dans 3 poches différentes. Oui, le 26 mars, il a bien laissé 2 courriers à sa mère. Des textes aux allures de testament où il lui explique qu'il lui lègue tout. Ce qui ne fait pas grand-chose, à vrai dire. Rappelons qu'il est sans emploi et au RMI. L'un des policiers lui demande, Avez-vous souvenir d'avoir écrit ces courriers et de les avoir déposés dans... Il n'a pas le temps de finir sa question. Vif, Durne se lève et se propulse sur le vasistas à 1,60 m du sol. L'un des policiers réussit à l'attraper par une chaussure, mais sans lacet, desserré. Elle lui reste entre les mains. Durne se laisse ensuite glisser sur le toit en pente sur 2 mètres. Il a passé la gouttière. Mais il chute de 4 étages sur le bitume de la cour intérieure du 36. Il meurt en s'écrasant sur le béton, au pied d'avocats médusés. Il est 10h15. Le tueur de Nanterre, qui a fait 8 morts et 19 blessés 2 jours plus tôt, réussit son suicide annoncé. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, il avait semé la mort hier, il se l'est donné ce matin. Un peu plus de 24 heures après le carnage de Nanterre, le meurtrier Richard Durne s'est suicidé ce matin en échappant à la vigilance des policiers qui l'interrogeaient. Il voulait mourir, disait déjà sa mère hier soir. France Inter. La mort de Richard Durne entraîne automatiquement la fin de l'instruction et la clôture du dossier. Les victimes, leurs familles et les blessés de la tuerie de Nanterre seront privés de procès. Mais déjà les doutes. Comment se fait-il que le criminel le plus surveillé de France ait réussi à mener à bien son projet? Pourquoi n'était-il pas menotté? Les policiers le surveillaient-ils? Ont-ils desserré la garde le temps d'une pause? Lourde question. L'immense responsabilité de la police saute aux yeux. Un fiasco professionnel. Peu après le suicide, des journalistes parviennent à se rendre chez Stéphania Durne, la mère du criminel. Elle leur répond, le visage à moitié caché par sa porte entrouverte, et elle raconte une fin comme déjà écrite. C'est quelqu'un qui se détruit, qui se dégoûte, qui mérite pas la vie, je sais pas, il faut qu'il se détruit, qu'il meure, et ça, il l'avait dans la tête. Il dit, c'est trop tard pour tout, j'ai 33 ans, c'est fini, c'est trop tard. Et pourquoi il voulait tuer des gens, vous avez dit? Pour dire quelque chose. Voilà, que je suis pas mort tout seul comme ça pour, je sais pas pourquoi, pourquoi, quelle raison pour, peut-être qu'on parle un peu de lui ou je sais pas moi quoi. Qu'est-ce qu'il vous a dit avant de partir au conseil municipal? Il vous a paru normal? Non, la tête, je vous dis, il avait une tête bizarre et un regard bizarre. Je dis, mais qu'est-ce que t'as, quelque chose, quelqu'un qui l'a pris quelque chose, ou drogue, ou je sais pas, un médicament, parce qu'il buvait jamais. Du haut de son 1,80 m, Richard Durne boitait et se déplaçait souvent avec une canne. Sa mère demande au barreau de Paris un avocat pour faire la lumière sur les circonstances de son suicide. Son avocat, commis d'office, maître Éric Morin, apprend qu'il aurait déplacé un meuble surmonté d'un aquarium pour se hisser et atteindre le Vélux au 36 quai des Orfèvres. Alors pourquoi les deux policiers n'ont-ils pas réussi à l'arrêter? Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de la défenestration. La police des polices est saisie par le ministère de l'Intérieur pour savoir s'il y a eu négligence lors de la garde à vue. Pourquoi Durne n'a-t-il été emmené dans les locaux de la police et non au milieu hospitalier fermé? Le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, accuse, c'est un dysfonctionnement grave. Les rescapés de la tuerie, les familles des victimes et leurs proches sont sous le choc et demandent des explications. À l'instar de Jacqueline Fraisse, maire de Nanterre, survivante de la tuerie. Je vais essayer de vous dire calmement quelque chose que j'ai envie d'hurler. C'est mon indignation, mon émotion aussi. Cette annonce ajoute à la douleur déjà extrêmement vive de nous tous, mais particulièrement des familles. Elles ont besoin de savoir pourquoi, comment de telles choses peuvent se produire. Elles avaient donc besoin d'un procès, y compris pour faire leur deuil. Elles en seront privées. Un homme aussi dangereux, un homme qui avait dit sa volonté de suicide. Je l'ai entendu, moi, le soir du conseil, quand les élus l'ont molesté, il a dit « Tuez-moi, il n'y a pas d'excuse à ce suicide. Je me demande ce que l'on fait dans les locaux de la police judiciaire. » Mais l'enquête judiciaire et administrative sur le suicide de Richard Durne conforte la version des policiers de la brigade criminelle. Les conditions légales de la garde à vue ont été respectées. Durne avait bien vu un médecin, comme le veut la loi, qui avait jugé son état compatible avec un interrogatoire. En ce printemps 2002, campagne présidentielle oblige, l'heure est à la récupération politique. Les deux favoris des sondages, le Premier ministre Lionel Jospin et le candidat président Jacques Chirac, se livrent une guerre sans merci. Chirac et la droite font de l'insécurité le fer de lance de leur discours et critiquent le ministre de l'Intérieur du gouvernement Jospin, Daniel Vaillant. Sur TF1, le président de la République déclare « Le rôle et l'honneur des responsables politiques, c'est de comprendre et de réduire les risques ». De son côté, Jospin s'interroge, ironique, sur le comportement de son adversaire qui agit comme, je le cite, « s'il était candidat au poste de ministre de l'Intérieur ». L'insécurité, les dysfonctionnements de la justice et de la police engloutissent tous les débats de la campagne. En déplacement, le candidat Jacques Chirac adapte ses éléments de langage. Dans la foulée, Martine Aubry, porte-parole du candidat socialiste, dénonce l'instrumentalisation de la tragédie par le camp adverse. Et l'insécurité, ça va de l'incivilité ordinaire au drame que nous avons connu cette nuit à Nanterre. Et chacun comprendra que je tienne en votre nom à tous, j'en suis sûr, à redire l'horreur que nous a inspiré cet acte de folie criminelle et notre compassion et nos pensées pour les victimes et pour leurs familles. Je pense que la meilleure réponse, c'est d'en appeler au recueillement, à la pudeur et à la dignité. 2 avril 2002, 10 heures, une semaine après la tuerie au conseil municipal. Ce matin-là, Nanterre rend hommage aux 8 élus disparus. Tous les commerces sont fermés. Dans le stade Gabriel Péri, face à l'hôtel de ville, sur une estrade, des comédiens du théâtre des Amandiers lisent des textes écrits par des anonymes sur des registres de condoléances. Une chorale entonne la passion selon Saint Jean de Bach. 14 000 roses sont distribuées aux personnes présentes. Les portraits des 8 conseillers municipaux tués sont installés sur une estrade recouverte d'un drapeau tricolore. Toute la classe politique est présente, toute famille confondue. Des roses blanches, des milliers de roses blanches, portées par plus de 14 000 mains, anonymes ou célèbres. Et tandis que les élèves du Conservatoire de musique de Nanterre font sonner les accords de l'aria de Jean-Sébastien Bach, la foule immense et recueillie rend hommage aux 8 victimes du drame survenu il y a tout juste 7 jours. Une cérémonie laïque durant laquelle tout clivage majorité-opposition a disparu. Les balles du tueur avaient, il est vrai, frappé sans distinction à gauche comme à droite. Et la foule se lève lorsque Jacqueline Fraisse prend la parole. Et tout a basculé. Et le maire remercie son équipe et tous ceux qui les ont aidés le soir du drame. Votre aide nous a été infiniment précieuse. Vous méritez l'estime de nos concitoyens, mais regardez comme ils vous la témoignent. 6 jours plus tard, le 8 avril, un fait judiciaire rarissime se produit. La justice décide de ne pas refermer le dossier malgré le suicide du prévenu. Le procureur de Nanterre, Yves Beau, demande des recherches complémentaires à la brigade criminelle. Car cette décision vise à rassurer les victimes privées de dossiers, privées donc de procès. Et en découle une procédure fleuve de 500 pages. Quelques jours avant le premier tour, le Premier ministre Lionel Jospin propose 9 mesures pour durcir la législation sur les armes et tente de faire passer son texte en urgence entre les deux tours. En vain. Arrive le 21 avril 2002, Jospin éliminé, Le Pen au second tour. L'affaire Richard Durne, son traitement médiatique, son exploitation politique, ont-ils fait le lit du Front National ? Possible. Le 5 mai 2002, Jacques Chirac est élu président de la République. Les propositions de loi de Lionel Jospin sur le port d'armes ont fait chou blanc, mais un nouvel élément interroge sur la nécessité urgente de cette réforme. Car le 14 juillet de la même année, peu après 10h du matin à Paris, pendant le défilé militaire, un jeune homme, Maxime Brunnery, membre d'une faction néo-nazie, tente d'assassiner le président de la République. Il se rate, recharge sa carabine et essaie de retourner l'arme contre lui, mais peine à manier son arme, 1, 22, mon rifle. La tuerie de Nanterre et la tentative d'assassinat du président de la République font alors prendre conscience de la facilité d'accès aux armes dans ce pays, la France. En réaction, le 1er mars 2003, l'enseigne Décathlon, pourtant leader sur le marché de la chasse, arrête de vendre des armes. Le 18 mars 2003, l'État durcit la législation sur la pratique du tir sportif avec la loi pour la sécurité intérieure. Les antécédents psychiatriques des adeptes de cette activité devront être vérifiés auprès de la DAS. Le 27 mars 2022, la France commémore les 20 ans de la tuerie de Nanterre. Le parvis de l'hôtel de ville est rebaptisé Place du 27 mars 2002. Mais comment trouver un sens dans cet acte de 55 secondes seulement? Laurent Elgozy, l'un des adjoints de la mairie de Nanterre, l'un de ceux qui ont tenté d'arrêter le tueur pendant le massacre, répond dans Libération quelques jours après la tuerie et il dit « Je ne crois pas que la personnalité de Diurne ait un quelconque intérêt et il ne sert à rien de se pencher sur elle. Non, on est dans le processus terminal d'un grand malade mental. La sagesse, c'est d'accepter qu'il n'y a rien à comprendre. » Comme souvent, lors d'une tuerie, le nom du criminel, son parcours, sa folie, reste gravé dans les mémoires, celui des victimes beaucoup moins. Alors, rappelons leur nom. Ils s'appelaient Louisa Benacli, Christian Boutier, Jacques Duplaine, Monique Leroy-Sauter, Olivier Mazzotti, Valérie Méo, Michel Raoult et Pascal Stenberg. Tu ne tueras pas ni tes camarades, ni tes profs, ni tes voisins. Tu ne tueras pas ni à Srebrenica, ni à Tel Aviv, ni à Jenin, ni à Alep, ni à Atlanta. Tu ne tueras pas parce que Dieu t'attend en buvant sous la treille. Tu ne tueras pas ni pour la loi, ni pour l'État. C'est le premier et le dernier, et c'est le seul commandement. Tu ne tueras point, veut dire, tu ne tueras pas, c'est tout. Rien ni personne. Tu ne tueras pas pour le tiroir caisse de la boulangère. Tu ne tueras pas pour l'adrénaline ou pour le flash. Tu ne tueras pas pour le compte d'un souteneur planqué sous les tropiques. Tu ne tueras pas pour te venger. Tu ne tueras pas ni pour jouir ni pour mourir. C'est le premier et le dernier, et c'est le seul commandement. Tu ne tueras point, veut dire, tu ne tueras pas, c'est tout. Rien ni personne. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, tuerie à la mairie de Nanterre. Notre invité, Jean-Pierre Campos. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Campos. Alors, vous étiez cette nuit du 27 mars 2002 adjoint au maire. Vous aviez 53 ans. Vous êtes venu assister, comme d'habitude, à la séance du conseil municipal qui s'annonçait tout à fait ordinaire, voire la routine. Peut-on dire que ces 55 secondes ont changé votre vie ? Évidemment, ma vie a changé d'un seul coup, puisque en 55 secondes, j'ai vu 8 collègues mourir Nous étions tous blessés, mais en même temps, chacun réagit selon son propre caractère. Moi, j'ai continué, en ce qui me concerne, à travailler, à venir toujours au conseil municipal et à œuvrer tout le temps pour le bien-être des Nanterriens. Mais c'est clair que la vie change. Par exemple, tous les ans, aux alentours du 27 mars, je suis quand même un peu mal dans ma peau. J'ai du mal à dormir. Encore cette nuit, avant de venir ici, j'ai repassé toute la nuit du conseil dans ma tête et j'ai très mal dormi. Ouais. C'est difficile d'en parler. De parler des faits, quels souvenirs précis vous gardez de l'enchaînement des faits pendant ces 55 secondes? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Que faites-vous pendant les 55 secondes? Non, aujourd'hui... c'est pas plus dur pour moi de parler. Pendant les 55 secondes, ça va tellement vite qu'on se rend pas compte. Dès que le maire a levé la séance et a dit, a entendu le premier coup de feu et nous a dit de nous coucher, évidemment, on s'est couché immédiatement sous les pupitres. Mais ça va tellement vite que, à peine une minute après, j'avais Richard Durne qui était face à moi, à 10 mètres de moi. Je l'ai vu tuer à ma droite Louisa Benacli et à ma gauche Jacotte Duplaine. Et ensuite, il m'a mis en joue et fort heureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais... au lieu de prendre la balle dans la tête, comme il a fait pour mes collègues, je me suis levé et j'ai pris la balle dans le ventre, et ce qui m'a sauvé la vie. Mais ça va tellement vite qu'on a du mal à s'en rendre compte. Et après, vous prenez cette balle dans le ventre, vous allez à l'hôpital, évidemment, combien de temps ça dure? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous êtes soigné? Alors, immédiatement après, on m'a mis dans un petit couloir qui était derrière ma place. Là, les secours sont arrivés, on avait chacun un pompier et un médecin qui nous ont fait les premiers secours, perfusion, etc. Et ensuite, j'ai été amené à l'hôpital de Versailles, où j'ai été opéré immédiatement. Je suis resté une quinzaine de jours à l'hôpital et ensuite, je suis sorti. J'ai été me reposer un peu et par la suite, je suis revenu immédiatement à l'hôtel de ville. Et aujourd'hui, pas de séquelles de la blessure? Tout s'est réparé? Non, ou pas? Aujourd'hui, ça va. Enfin, j'ai été opéré pendant 3 ans de suite. Ah, quand même. En 2002, 2003 et 2004. Mais aujourd'hui, oui, tout va bien. Richard Durne était connu au conseiller municipal, on l'a dit, il y assistait souvent. Vous le connaissiez, vous, cet homme, vous l'aviez repéré? Non, moi, je ne le connaissais pas du tout. J'avais même pas fait attention à lui. Non, non. Et expliquez-nous ce qui s'est passé dans la salle du conseil quand les secours sont arrivés. Comme c'était comme un hôpital de campagne, ça va être une sorte de chaos, dites-nous. Moi, c'est un peu compliqué. En fait, j'ai pas vu. Ah, vous êtes parti vite. Vous êtes évacué vite, c'est ça? J'ai pas eu le temps de voir grand chose, si ce n'est que lorsqu'il a tué mes deux collègues à côté de moi. Et ensuite, j'ai été touché. Et donc, immédiatement, on m'a évacué dans le petit couloir qui est derrière mon siège. Alors, j'ai pas du tout perdu connaissance et j'entendais évidemment les cris, la stupeur dans la salle et j'entendais Durne crier « Tuez-moi, tuez-moi, tuez-moi ». Mais c'est tout. Après, moi, j'ai pas vu grand-chose de la salle. Ceux qui ont plus vu, c'est évidemment mes collègues qui n'ont pas été touchés, qui, eux, évidemment, étaient dans la salle et ont vu le massacre. Mais moi, personnellement, j'ai pas vu grand-chose, si ce n'est mes deux collègues tués à côté de moi. Vous êtes opéré, vous vous réveillez, vous vous reposez à l'hôpital. J'imagine que vous écoutez la radio, vous regardez la télé, vous vous tenez informé et vous voyez ces politiques-là qui sont en pleine campagne électorale récupérer ce drame. Est-ce que ça vous gêne ou ce que vous vous dites après tout, bon, c'est la démocratie, c'est le débat, il s'est passé quelque chose. Comment vous réagissez ? Non, moi je considère que c'était pas un acte politique, mais plutôt l'œuvre, si je puis dire, d'un malade mental, puisque il avait fait déjà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plusieurs tentatives de suicide. Il avait brandi son arme devant une psychothérapeute à Boulogne, je crois. Et il avait envie de passer à l'acte ce soir-là. D'ailleurs, il était venu, semble-t-il, moi je ne l'avais pas remarqué personnellement, mais il était venu plusieurs fois au conseil municipal avec l'idée déjà de faire un massacre. Il n'était pas passé à l'œuvre. Je sais qu'aussi, il était venu un dimanche matin sur le marché de Nanterre, semble-t-il armé, et qui voulait aussi tuer des gens. Bon, pour une... Il avait pas mis en œuvre ce qu'il souhaitait faire. Donc moi, je considère que c'est pas l'œuvre d'un massacre politique, mais plutôt un malade mental et qui voulait se suicider en faisant un maximum de morts entraînés avec lui. Alors, quand vous avez appris ce qui s'est passé le 7 janvier 2015 chez Charlie Hebdo, où là c'est un crime hautement politique hein, pour le coup, mais c'est un massacre, et vous avez vécu ça, vous, un massacre, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu ce qui s'est passé à Charlie Hebdo? Est-ce qu'il y a eu un, comme ça, une connexion par rapport à ce que vous avez vécu? Mais évidemment, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, que ce soit Charlie Hebdo, le Bataclan, ou toutes ces tueries de masse, évidemment, ça nous remémore tous ces souvenirs. Ça remue, quoi. Ça remue les souvenirs. Évidemment, on n'est pas très bien. Enfin, moi, personnellement, je sais que ça me remue beaucoup. Et même y compris à chaque fois que je vois des émissions à la télé ou j'écoute à la radio quelles émissions sur la tuerie de Nanterre, par exemple. Bah, ça me remue énormément, mais bon. On l'imagine, oui, bien sûr. Alors, justement, si on en parle aussi, c'est que pour que ça ne tombe pas dans l'oubli, c'est vrai que le 7 janvier 2015, c'est un crime politique avec une dimension presque internationale, géopolitique, même on en parle beaucoup, mais ça ne faudrait pas l'oublier non plus, parce que ce que vous avez vécu est tout aussi dramatique. Et justement, la mairie de Nanterre va remettre le 2 février prochain aux archives départementales un fonds mémoriel sur ce qui s'est passé le 27 mars 2002 à la mairie de Nanterre. Ce projet s'appelle Nanterre se souvient, et il contient toute une série de témoignages recueillis par une historienne et une sociologue. Et c'est cette dernière sociologue, Safia Dahan, que nous allons entendre maintenant, interrogée par Franck Cognard. Donc nous avons interrogé principalement des rescapés de l'attaque du conseil municipal, donc des anciens élus, mais également des travailleurs de la mairie de Nanterre, du personnel administratif. Et nous avons également réalisé des témoignages avec des acteurs judiciaires et des secouristes. En complément, nous avons également essayé d'interroger des familles, des victimes de la tuerie du conseil municipal pour donner un éventail large hein, de types de témoignages, pour restituer à la fois la mémoire de l'événement, garder une trace aux archives départementales, mais également participer à la reconnaissance et à la mémoire des victimes au travers donc des témoignages de leurs familles. Est-ce que aujourd'hui la tuerie a été un petit peu oubliée par les plus jeunes, ceux qui ne l'ont pas vécu à l'époque ? Alors effectivement, certains font le constat de mémoire qui se perd, et en ce sens le projet de la mairie a été très bien accueilli afin de pouvoir restituer l'histoire de la ville aussi au travers d'événements tragiques qui constituent voilà, la vie de Nanterre. Je pense que l'idée, c'est à la fois que ça puisse servir peut-être à des chercheurs qui pourront s'en saisir pour étudier les coupes biographiques de tels événements sur des trajectoires de vie ou des trajectoires politiques, par exemple. Mais c'est aussi peut-être, je pense, l'occasion pour de simples citoyens de pouvoir se rendre compte que ce type d'événement peut exister dans des espaces qui là est en fait un espace politique, c'est un conseil municipal, un espace de représentation politique. Ça pourrait également servir d'appui à de la transmission ou à de la comment est-ce qu'on dit, de la prévention, de la sensibilisation. Donc en ce sens, le travail de la mairie a été très bien accueilli et permet véritablement de constituer un fonds d'archives en fait pour les archives départementales qui pourra être mis à disposition des futures générations si elles veulent s'informer sur cet événement, mais aussi des témoins et autres familles qui pourraient avoir envie d'écouter des témoignages qui pourraient faire écho à leur propre vécu. Jean-Pierre Rampos, j'imagine que vous étiez au courant de cette initiative. Nanterre se souvient. J'imagine également que c'est quelque chose qui vous satisfait. C'est une bonne initiative. Oui, tout à fait. Je crois que c'est important de recueillir tous les témoignages de tous ceux qui étaient dans la salle ce soir-là. Alors, tout le monde n'a pas répondu puisque après, chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, j'ai témoigné, j'ai répondu positivement, mais je sais que il y a quelques collègues qui n'ont pas souhaité répondre à cette sollicitation. Bon, après, chacun fait comme il veut. Quand vous avez appris que Richard Durne s'est suicidé, très peu de temps après le début de ces auditions par la police, quel était votre sentiment ? Honnêtement, j'ai été circonspect, et je le suis encore aujourd'hui. Je me demande comment on a pu laisser un tel homme sauter par ce petit Velux. Personnellement, je suis allé voir le bureau dans lequel il avait été interrogé, puisque les flics m'avaient appelé quelque temps auparavant pour venir récupérer quelques affaires qui m'avaient embarqué. Donc je suis allé au 36 et j'en ai profité pour leur demander de visiter le bureau dans lequel Durne était interrogé. Et donc là, j'ai pu voir ce fameux Velux, le meuble qui était devant et l'aquarium dessus. Et je me demande encore comment qu'il a fait pour sauter, il y a plus d'un mètre cinquante, pour sauter par ce petit Velux sans qu'on puisse intervenir et l'empêcher. Aujourd'hui encore, je me pose personnellement beaucoup de questions, mais bon. Ça veut dire que vous ne croyez pas forcément à la version officielle. C'est ça que ça veut dire ? Oui, exactement. Oui. Dernière question. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Je suis, évidemment, on s'intéresse à ce qu'on ressent quand on vit une expérience aussi inhumaine, mais qui est humaine aussi, hein, une expérience d'humain. Donc on ressent, on ne fait que ressentir. Quand vous avez assisté à votre premier conseil municipal après la convalescence, dans quel état vous étiez ? Évidemment, j'ai assisté au premier conseil municipal qui était au mois de mai, dans la salle des congrès, puisque la salle du conseil dans laquelle avait lieu le massacre a été complètement refait. Et ce premier conseil, on l'a fait dans la salle des congrès de l'hôtel de ville, qui est une grande salle qui peut recueillir 1000 personnes. Évidemment, c'était un moment assez émouvant et en même temps, on n'était pas tranquille. Bah oui. Je dois dire qu'on regardait tous les gens qui étaient dans la salle, malgré qu'on savait pertinemment qu'il y avait des flics en civil. Il n'y avait plus de danger, mais c'était quand même le lieu, quoi. Ouais. Voilà. Mais bien sûr. Et on regardait tout le monde. On n'était pas tranquille, mais c'était extrêmement émouvant. J'imagine. Merci infiniment, en tout cas, de votre témoignage, Jean-Pierre Campos. Merci. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Massacre à la mairie de Nanterre, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr, à la technique. Aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmas.